fort, mais bien trop souvent divisible. Majorité visible, au vécu difficile. 40 décennies de coups de fouet, tu connais l'histoire. La plus longue qui prend pas deux pages dans leur livre d'histoire. À dormir debout, frère, attitude insensée. Ici ils veulent qu'on s'intègre alors qu'on est déjà français. Colonisé par les peuples d'en face, atroce. Te demande pas pourquoi on est en France et en force. Venu récupérer notre or, nos diamants, notre honneur. Alors veuillez cesser vos injustices, votre honneur. Car tout le monde sait comment est jugé un noir à la barre. Et tout le monde sait comment est traité un noir à la BAC. Et délinquant ou pas, un noir dans la rue, ça effraie. De ce fait, les vieilles connasses s'inscrivent au FN. Bloqué pour le taf, on est arrivé à un stade où les fachos nous sucent ou bien nous sifflent dans les stades. Connaissant l'injustice, le pillage, l'esclavage. J'écoute mon rap, tu comprendras pourquoi on a la rage. Notre vie est un combat, mon peuple se bastonne. Même s'il voudrait que tous les noirs s'appellent Michael Jackson. Connaissant l'injustice, le pillage, l'esclavage. Écoute mon rap, tu comprendras pourquoi on a la rage. Notre vie est un combat, mon peuple se bastonne. Même s'il voudrait que tous les noirs s'appellent Michael Jackson. Touché par la misère, la famine et le sida, qui je pense n'est pas arrivé chez nous par accident. Ils se sont bâtis sur nos richesses, on leur demande de l'aide. Eux, ils nous envoient des armes, la solution c'est qu'on crève d'après eux. Et c'est l'Afrique qui a une dette envers eux. Du manque de respect envers l'homme, donc envers Dieu. Capable de faire de l'or avec un ballon, chanter, danser. Alors imagine s'ils nous avaient laissé avancer. Les plus forts physiquement, les plus aptes à subir. Ce qu'ils appellent drame ou catastrophe, on l'appelle la routine. Et pourtant regarde qui a le sourire et qui soupire. On nous sous-estime, sauf pour composer la dream team. L'école m'a dit holocauste, acte horrible et sauvage. J'ai répondu alors imagine un peu l'esclavage. Nous nous sommes des rois, mais notre gloire est trop gênante. Les larmes salées de nos reines ont créé des océans. Connaissant l'injustice, le pillage, l'esclavage. J'écoute mon rap, tu comprendras pourquoi on a la rage. Notre vie est un combat, mon peuple se bastonne. Même s'il voudrait que tous les noirs s'appellent Michael Jackson. Connaissant l'injustice, le pillage, l'esclavage. Écoute mon rap, tu comprendras pourquoi on a la rage. Notre vie est un combat, mon peuple se bastonne. Même s'il voudrait que tous les noirs s'appellent Michael Jackson. Le monde et les hommes nous tuent et nous on se tue entre nous. Un noir qui s'en sort égale 10 autres négros jaloux. Un président en Afrique, c'est un mec qui coule son pays. On s'entretue dans les ghettos d'Occident ou entre ethnies. Des flics noirs tabassent des jeunes noirs, oublient les racines. Ça se décolore la peau et marche avec les racistes. Plus les magloires, les magdoum qui nous affichent. Nous c'est Chaka Zulu, Martin L, Malcolm X. Pour beaucoup aussi noirs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Gardons la tête plus haut que leur building. Mes frères et sœurs, ils veulent pas de nous dans leurs universités. Donc pour nous ils ont bâti des prisons et des cités. Tout ça sans penser qu'on pouvait obtenir leur diplôme. Acheter une villa et esquiver la peine de diplôme. Malgré tout on a toujours gardé un esprit festif. Puis on reste fier d'être noir comme le frère Steve. Connaissant l'injustice, le pillage, l'esclavage. Écoute mon rap, tu comprendras pourquoi on a la rage. Notre vie est un combat, mon peuple se bastonne. Même s'il voudrait que tous les noirs s'appellent Michael Jackson. Connaissant l'injustice, le pillage, l'esclavage. Écoute mon rap, tu comprendras pourquoi on a la rage. Notre vie est un combat, mon peuple se bastonne. Même s'il voudrait que tous les noirs s'appellent Michael Jackson. Connaissant l'injustice, le pillage, l'esclavage. Écoute mon rap, tu comprendras pourquoi on a la rage. Notre vie est un combat, mon peuple se bastonne. Même s'il voudrait que tous les noirs s'appellent Michael Jackson. Connaissant l'injustice, le pillage, l'esclavage. Écoute mon rap, tu comprendras pourquoi on a la rage. Notre vie est un combat, mon peuple se bastonne. Même s'il voudrait que tous les noirs s'appellent Michael Jackson.